On va essayer d'avancer un peu dans la description de la prière du prophète, sallam. Et comme on l'avait dit hier, on a commencé la partie concernant les bienfaits. L'auteur, on est toujours dans l'étude du chapitre concernant les mérites de la prière et les bienfaits de la prière. Donc dans la première partie, il a évoqué les mérites de la prière. Et là, l'auteur clarifie les bienfaits de celle-ci. Et donc, on est arrivé au deuxième point. Donc on avait dit hier, le premier point concernant les bienfaits, le premier bienfait qu'il a cité, c'est que elle est considérée, cette prière-là, l'auteur dit, elle apporte la joie, l'apaisement du cœur, la tranquillité de l'esprit. La tranquillité de l'esprit. Ensuite, dans le deuxième point, l'auteur dit وَأَنَّهَا تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ إِذَا صَلَّاهَا الْإِنسَانُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَذَلِكَ لِمَا يَحْصُلُ لِلْقَلْبِ بِالصَّلَاةِ مِنْ إِنَابَةِ إِلَى اللَّهِ وَحُضُورِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقُوَّةِ فِي الْإِيمَانِ وَاسْتِنَارَةِ فِي الْقَلْبِ وَصَلَاحِ فِي الْأَحْوَالِ فَلَا يَزَالُ طَعْمُ ذَلِكَ فَلَا يَزَالُ طَعْمُ ذَلِكَ فِي قَلْبِي وَكُلَّمَا هَمَّ بِمُنْكَرْ أَوْ فَحْشَى تَذَكَّرَ تِلْكَ الصِّلَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّي فَابْتَعَدَ عَنْ ذَلِكَ. Là, c'est très pertinent parce que ce deuxième point, parmi les bienfaits de la prière, c'est que celle-ci nous empêche de commettre le mal. Celle-ci nous écarte du mal. De sorte que l'auteur nous dit, « إِذَا صَلَّاهَ الْإِنسَانُ » Si la personne, le prieur, il prie vraiment sa prière, عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ selon l'aspect ou la façon dont elle lui a été ordonnée de prier, alors cette prière-là va l'écarter du mal, va l'éloigner d'accomplir le mal. Ça va le préserver de commettre le mal. Ou plutôt, littéralement, lui défendre. Le défendre de commettre le mal. Pourquoi ? Parce que l'auteur dit, du fait que elle préserve des turpitudes, du fait qu'il dit, cette prière-là, en raison du fait que ce qu'il va vivre dans son cœur, grâce à cette prière, il va trouver ce qu'on appelle l'inaba. L'inaba, c'est le retour. C'est le fait de revenir vers Allah, Azzawajal. C'est le retour à Allah. Et donc, il va avoir la sensation d'abandon entre ses mains. C'est-à-dire d'être entre les mains d'Allah, Azzawajal. Et donc, il va trouver en cela quwwat al-iman. Et dans cela, il va trouver quwwat fil iman, une force de foi. Il va trouver la force au niveau de la foi, une lumière qui l'éclaire. Et l'amélioration de sa situation. Alors, il dit, l'homme garde la saveur que tout cela porte dans son cœur. Et toutes les fois où il lui vient l'envie de commettre une turpitude, de commettre un mal, ce qu'on appelle un farcha, ou bien un acte blâmable, il se souvient de ce lien qu'il y a entre Allah et lui. Il se souvient de cette osila. En arabe, on appelle ça osila. Le lien qu'il a avec son créateur, subhanahu wa ta'ala. Et donc, quand il se souvient de cette sila, de ce lien qu'il a avec son créateur, subhanahu wa ta'ala, ça l'éloigne et le préserve de commettre al-farsha, la turpitude et le mal. Thalithan, qala, annaha aoun lil-insani ala umuri dini wa dunya. Et là, c'est très pertinent. Donc, vous avez vu ça? L'auteur nous mentionne certains bienfaits de la prière. Donc on a dit le premier bienfait que l'auteur a cité, l'apaisement du cœur, la réjouissance, le contentement. Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la prière c'était vraiment sa réjouissance. Et donc la prière est une réjouissance, ça apaise le cœur. On trouve une sérénité et une quiétude. Ça c'est la première chose que l'auteur a cité. Deuxièmement, il a cité que ça préserve et s'éloigne de commettre le mal, de toute turpitude. Troisièmement, c'est une aide. Le troisième bienfait que l'auteur cite concernant la prière, c'est une aide pour le serviteur, pour l'homme dans ses affaires religieuses et mondaines. Pour les affaires religieuses ou mondaines, eh ben, dans la prière, il y a aide. Et la preuve de cela, regardez sur quoi va se baser l'auteur pour prouver cela, que parmi les bienfaits de la prière, c'est qu'il y a une aide pour nos affaires mondaines et nos affaires religieuses. Aussi bien pour notre religion et aussi bien pour notre vie d'ici-bas. Il va se baser sur le verset 45 de Sourate Al-Baqarah, « Wasta'inu bis-sabri was-salah » et cherchez al-aoun, al-i'ana, l'aide dans quoi ? Allah Azzawajal dit « bis-sabri was-salah » à travers la patience et la prière. À travers la patience et la prière. Et donc, la prière est source de aoun. C'est, ça fait partie des bienfaits, on va trouver cela. Wa kana an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam idha hazabahu amrun salla ay idha hammahu amr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté que lorsqu'il était tourmenté par une situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la réflexion, il était tourmenté par une situation. Alors il est rapporté, ou par un événement, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait. Le prophète priait. C'est-à-dire lorsque quelque chose le préoccupait. Lorsque quelque chose préoccupait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Et donc ça, c'est un bon rappel, un immense rappel pour nous. Si quelque chose vous préoccupe, si on est préoccupé par quelque chose, si on a une affaire, et on est un peu tourmenté par cette affaire, alors, priez. Il faut faire une prière. Comme c'est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est rapporté par Abu Daoud. C'est rapporté par Abu Daoud. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة ومسحة محمد صلى الله عليه وسلم. On termine sur les bienfaits que mentionne l'auteur concernant As-Salat, les bienfaits de la prière. Donc, première chose, l'auteur nous a dit qu'il y a un apaisement du cœur, c'est la jouissance du croyant. Deuxième chose, elle préserve des turpitudes, du mal. Troisième chose, il y a, à travers la prière, l'accomplissement de la prière, on trouve l'aide concernant nos affaires religieuses et nos affaires mondaines. Et là, quatrièmement, parmi les bienfaits de la prière, il dit ما رتب الله عليها من الأجر العظيم والخير الكثير. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة نور يعني نورا في القلب والوجه والقبر والحشر. Là, c'est très pertinent ce que va dire l'auteur. Parmi les bienfaits de la prière, l'immense récompense que le prieur obtient auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'immense récompense et le grand bien qu'Allah réserve à ceux qui accomplissent cette prière. Pourquoi ? Parce qu'il est rapporté dans un hadith, et ce hadith-là est rapporté par Abu Daoud, Ibn Nasa'i, ou Ibn Majah, que le prophète sallam a dit, traduction approximative de la parole du prophète sallam, Allah a imposé aux serviteurs 5 prières. Le hadith dit, Allah a imposé aux serviteurs 5 prières. Celui qui ne les néglige pas, en les priant, celui qui ne les néglige pas, en les priant comme il se doit, Allah s'engage à le faire entrer au paradis. Allah s'engage à le faire entrer au paradis. Le récit rapporté par Abu Daoud, Ibn Nasa'i, wa Ibn Majah. Et l'auteur ensuite dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit, la prière est une lumière. C'est-à-dire, une lumière, regardez. Lorsque, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rapporté qu'il dit, as-salatu nurun. La prière est une lumière. C'est-à-dire, regardez l'auteur, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, yani, une lumière dans le cœur, une lumière dans le visage, une lumière dans la tombe, et une lumière le jour de la résurrection, le jour du grand rassemblement. Vous avez vu le mérite de la prière? Lorsqu'il est dit la prière est une lumière, c'est-à-dire ça sera une lumière dans le visage, à travers le visage, une lumière, comme dit l'auteur, dans la tombe, une lumière le jour de la rétribution, une lumière dans le cœur. ثم قال المصنف عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف رواه أحمد بإسناد جيد من حافظ على هذه الصلوات وأداها على الوجه المشروع كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. Et dans un récit, le prophète évoque sallallahu alayhi wa sallam que celui, traduction du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui préserve sa prière, celui qui la préserve, elle sera pour lui une lumière, un argument et un salut le jour de la résurrection. Et celui qui ne la préserve pas, elle ne sera ni lumière, ni argument, ni salut pour lui le jour de la résurrection et il sera ressuscité avec Qarun wa Firaun, Haman et Ubay ibn Khalf. Et ce hadith il est rapporté par l'imam Ahmed avec une chaîne de rapporteurs, avec une bonne chaîne de transmission. Et donc l'auteur nous dit, ceux qui sont assidus à la prière et les accomplissent de la façon dont elles ont été légiférées, elles seront pour eux une lumière, un argument et un salut le jour de la résurrection. Donc ta prière, si tu l'accomplis comme il se doit, le jour de la résurrection, elle sera une lumière, un argument, ça sera un argument, ça sera un salut pour toi. Et cela le jour de la rétribution, le jour où tu auras besoin de cela. Et donc, ça donne l'importance et les bienfaits de cette prière. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وأنها كفارة للصغائر الذنوب وتطهير من الخطايا فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا رواه البخاري ومسلم. سبحان الله. Ça, ce hadith, il est immense concernant les bienfaits de la prière. Je vous donne la traduction du récit. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, c'est le célèbre compagnon Abu Huraira qui rapporte ce récit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il s'adressa à ses compagnons en leur disant « Pensez-vous que si une rivière passait devant votre maison et que chaque jour vous vous laviez cinq fois, il y a une rivière devant votre maison et chaque jour vous vous lavez cinq fois dans cette rivière, il resterait sur vous de la saleté ?» leur dit le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, les compagnons répondirent « Non, il resterait rien. » Alors le prophète sallam leur dit « C'est la même chose pour les cinq prières. Allah efface par ses prières les fautes. » Et c'est rapporté par le Bukhari ou le Muslim. C'est la même chose. C'est comme si une personne, il a devant chez lui une rivière et il se lave chaque fois par jour, cinq fois par jour. Il est nettoyé. Est-ce qu'il resterait des saletés? Des souillures? Des impuretés? Non. Le prophète a dit de même pour celui qui prie cinq fois ses prières par jour. Ça le purifie des fautes, des péchés, des erreurs. De, alhamdulillah, wallahu a'lam, wa sallallahu ala نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم